Bonjour, nous nous retrouvons pour la première rediffusion de l'été. L'émission s'intitulait « Contre l'obésité, une dictature des formes ?» Point d'interrogation. Mon invité était Georges Vigarello. C'est une émission du 9 octobre 2004. Je signale que Georges Vigarello, à partir de cette émission, a écrit un livre qui s'appelle « Les métamorphoses du gras, histoire de l'obésité », paru au Seuil en 2010, un livre qu'il avait dédié à Concordance. De recherche secret en matière de guerre bactériologique est mort de la peste. Cela nous ramène en plein Moyen-Âge. Et qui sont exactement les mêmes que celles dont nous fûmes comblés sans en être à cap depuis le 18 juin. Vous venez ici pour maigrir, je présume. Oui, en effet, je fais pas mal de cellulite. Bien que je sois jeune, j'ai pas mal de cellulite, comme beaucoup de femmes. Et je trouve vraiment cette douche au jet extraordinaire. Je n'ai jamais un coup d'œil sur l'histoire, le recul vers une période passée, ou, comme aurait dit Racine, vers un pays éloigné, vous donne des perspectives sur votre époque. Et vous permet d'y penser davantage, de voir davantage. Les problèmes qui sont les mêmes et au contraire les problèmes qui diffèrent ou les solutions qui diffèrent. Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet. Bonjour, ce matin nous allons parler de l'obésité, nous allons parler des gros. Problème esthétique, problème sanitaire, problème social qui a surgi l'été dernier au premier plan de l'attention publique. Le Parlement s'en est saisi, chose très nouvelle, dans un lieu qui, depuis deux siècles, a accueilli bien des personnages maflus, bien des panses rebondies et bien des silhouettes fessues. Le point de départ, c'est la constatation que l'obésité s'accroîtrait statistiquement en France. Bien moins qu'aux États-Unis, évidemment, mais de façon impressionnante cependant. Le taux de surpoids et d'obésité chez les enfants de 9 à 11 ans est passé de 5% en 1980, à 12% en 1996 et 16% en 2002. Et la proportion de vrais obèses dans la population globale de la France approcherait à présent les 10%. Le débat s'est noué autour de la question des distributeurs de confiseries dans les écoles. Et le 30 juillet dernier a été adopté par les deux chambres un texte interdisant dans tous les établissements scolaires à compter de septembre 2005 les appareils payants proposant boissons et produits alimentaires aux élèves. Là comme ailleurs, le recul dans le temps est éclairant et à vrai dire indispensable pour comparaison. C'est Georges Vigarello, professeur à l'université de Paris 5, qui va nous le permettre aujourd'hui. Spécialiste de l'histoire des corps et de l'histoire du sport, il publie ces jours-ci aux éditions du Seuil une importante histoire de la beauté, qui implique forcément une histoire de la laideur, et plus largement, chez les humains, une histoire de l'image de soi. Puissant facteur assurément, pour chacun, du bonheur ou du malheur. Chaud à la crème tarte au citron, baba que j'aime, bonbon si bon, je vais encore me régaler. Donnez-moi 13 croissants dorés, je vais encore me régaler. Ah, une amandine de quignamam, 3 nougatines, une part de flan, je vais encore me régaler. C'est très bizarre, voyons cela. Je vais encore me faire gronder. Ah, des crêpes Suzette, en voulez-vous? Non, j'arrête, merci beaucoup. Fini la fête, rentrons chez nous. Ah. Georges Bigarello, bonjour. Bonjour. Nous venons d'entendre « Chou à la crème » chanté par Anne Baquet et une chanson de Claude Pascal qui remonte à 1999. Ça pourrait presque servir d'arrière-fond à ce film d'Agnès Jaoui qui a beaucoup de succès, qui s'appelle « Comme une image » sur nos écrans actuellement. Oui, absolument. Vous l'avez vu? Moi, je l'ai vu. J'ai trouvé que la mise en scène d'adolescents qui se perçoivent en surpoids, voire au seuil de l'obésité, cette mise en scène est très parlante. Et elle est très parlante parce que elle traduit quelque chose qui est de l'ordre de la culpabilité et en même temps qui est de l'ordre d'un malaise qui va bien au-delà finalement du seul problème physique et qui porte au fond sur le comportement. Et je pense effectivement qu'aujourd'hui le problème de la grosseur est un point de stigmatisation très fort. Ce qui ne veut pas dire que la grosseur n'ait pas toujours été stigmatisée. Je crois qu'elle l'a été, mais elle l'est beaucoup plus et elle est surtout beaucoup mieux définie qu'elle ne l'était auparavant. Sûrement, l'obésité a toujours été stigmatisée. On peut se référer à un ouvrage qui remonte maintenant à 80 ans, qui a eu le prix Goncourt en 1922, un livre d'Henri Béraud qui s'appelait « Le martyr de l'obèse ». Je l'ai lu pour préparer cette émission. C'est assez curieux. C'est dédié d'abord à des gros du temps, au maréchal Joffre, Édouard Herriot, Pierre Benoît, Lucien Guitry, Maurice Vlaminck. Béraud dédie ce livre, dit-il, « que les maigres prendront pour un livre gai ». Oui, ce qui prouve d'ailleurs au passage que la grosseur peut être, dans une certaine mesure, tolérée dans les périodes précédentes. C'est toujours un problème d'ambiguïté. Trouver un milieu, à la fois il y a une tolérance et en même temps il y a un dénigrement. Mais vous voyez, si on remonte un peu plus loin dans le temps, si on prend l'exemple des textes du XVIe siècle, les récits, les 100 nouvelles, etc., on voit qu'il y a une stigmatisation du gros. Les lourds en taille, par exemple. Les lourds en taille sont des gens qui ne sont pas forcément physiquement gros. Mais ce sont des gens qui portent la stigmatisation de la grosseur physique dans le comportement. Autrement dit, vous êtes lourd en taille, donc vous ne comprenez pas très bien, donc vous n'êtes pas très alerte. Lourdeau. Vous êtes lourdeau. Et dernière chose concernant ces problèmes des époques éloignées du XVIe siècle, il y a une difficulté à définir la grosseur. Donc il y a une sorte de flottement dans les mots, en bon point, en très mauvais point, en très bon point. On ne sait pas finalement comment exactement dire, parce que je pense qu'on n'a pas les instruments. Et je crois que le temps a inventé précisément les instruments. Et ça, c'est très important. Dans le livre de Béraud que je citais il y a un instant, il écrit « Combien de fois m'a-t-on répété les paroles de l'accoucheuse qui m'attendait au seuil de la vie ? Madame, s'était-elle écriée, madame, c'est un garçon, il est rond comme une quenouille. » Quenouille. Et on voit là la stigmatisation, qui je crois traverse effectivement le temps. Des temps préhistoriques, on a des témoignages, il semble qu'on aimait les Vénus Callipyges. Oui, alors je pense que le problème des Vénus Callipyges est un problème complexe. Oui. Parce que la question que je me pose, dans la mesure où on n'a pas évidemment les propos de ceux qui les ont créés, la question que je me pose est la suivante. Est-ce que cette présentation de Vénus aux formes extraordinairement rebondies, est-ce que cette présentation n'est pas liée, au fond, avec la volonté de faire servir ces images dans une perspective de fécondité? Plus elles sont épaisses, et plus, finalement, la fécondité sera importante quant à un lien mythique avec le sol. Vous voyez, je crois que nous ne sommes pas sûrs d'une représentation objective de ces Vénus Callipyges. C'est pas forcément un idéal esthétique. Exactement. C'est la question que je me pose. Je crois qu'on n'a pas de réponse, vraiment. En tout cas, on voit plus tard l'idéal des Vénus Callipyges, qui ait été conscient ou non, laisser la place à l'idéal de la sylphide. Oui, c'est sûr. Alors là, si on traverse les siècles, la transition est absolument évidente, massive. Les Grecs, massive à l'envers, si on peut dire. Les Grecs confisquaient leurs montures aux cavaliers qui étaient devenus obèses. Oui, voilà. C'est peut-être parce qu'ils aimaient les chevaux. Enfin, les Grecs sont sévères avec les obèses. Oui, je pense que chez les Grecs, il y a une idée de la mesure. C'est important. Il y a une idée de la mesure, de l'équilibre. Et tout ce qui transgresse est finalement condamnable. Et les esclaves, dont le rendement était compromis par les kilos, devaient subir des cures de dégraissage. Oui. Et il y avait même des spécialistes rétribués à cet effet. Et chez les Gaulois, l'homme trop gros était condamné à une amende qui variait d'une année à l'autre selon son tour de taille. Donc on voit bien qu'il y a une longue tradition. Alors Hippocrate commençait à réfléchir sur les liens entre les climats et l'obésité. Ben, Hippocrate est quelqu'un qui a théorisé autour des matières qui composent le corps et qui s'est posé des questions sur la relation que peuvent avoir ces matières entre elles d'une part et la relation qu'elles peuvent avoir avec les objets extérieurs. Et donc il a une vision qui à mon avis, à la fois très intuitive et très intéressante, qui consiste à penser le corps comme fait de liquide. D'où le risque que comportent, par exemple, les situations où il y a trop de liquide autour de soi. Les climats avec les brouillards, les climats avec un excès d'eau. Et donc tout cela ont des conséquences sur une éventuelle grosseur, bien sûr. Et que l'idée subséquente qui a prévalu pendant longtemps, qu'il ne fallait pas boire trop d'eau parce que ça faisait grossir. Exactement. Vous voyez, d'un côté, vous avez le dessèchement et d'un autre côté, vous avez l'excès d'aqueux. Les médicastes dans l'Antiquité, la génération d'Hippocrate recommandait la pratique de l'amour pour éviter d'engraisser. Il y a toujours ce lien entre sexe et nourriture. Oui, mais le lien, c'est aussi celui entre l'effort, la transpiration, la consommation d'humeur, qui a un rôle direct avec la constitution du corps. On trouve tout de suite, d'entrée de jeu, ce lien constant, cette dialectique entre les facteurs objectifs et les facteurs subjectifs. On se voit gros, où on vous voit gros. Pour que nous précisions un peu la notion d'obésité, je voudrais faire appel à un spécialiste très notoire en son temps, qui était le professeur Robert Trémolière, à qui on demande le 28 avril 1967, à la radio, sa définition de l'obésité. Écoutez. En termes de physiologie, n'est-ce pas, l'obésité, ça veut dire un excès de graisse. Par conséquent, c'est celui qui est trop gras par rapport à sa masse active et par rapport à son squelette. Ceci, c'est la définition du physiologiste qui n'intéresse pas grand monde. Et j'ajouterai aussitôt, si vous voulez, ce qui me paraît la vraie définition la plus importante de l'obésité, qui est d'ordre psychosocial. Et ça permet de distinguer, très en gros toujours, deux grandes formes dans l'obésité. Il y a le sujet, le bon vivant, le gros mangeur, qui voit dans la table le meilleur moyen d'avoir des amis, de vivre agréablement avec les autres. Et je crois que ceci, c'est une forme, c'est la forme que j'appelle le gros mangeur, et qui correspond donc à cette nécessité d'obtenir des liens sociaux, une espèce de camaraderie, de fraternité, qui va très loin, qui est une chose de prix. Et puis alors, il y a une autre forme, qui est probablement la plus fréquente à l'heure actuelle, et qui touche surtout la femme, qui est beaucoup plus grave au point de vue de son sens psychosocial à l'heure actuelle, c'est le refuge solitaire dans la volupté de manger. Et ceci, alors ça me paraît être un des signes de notre temps, très symptomatique et très important, qui va très loin. Au fond, manger, c'est la compensation la plus primitive qui soit devant un refus du monde extérieur. Et au fond, l'homme actuel ou la femme actuelle, affolée à juste titre du monde dans lequel elle a à rentrer, au lieu, ma foi, de porter sa croix et de l'assumer, d'essayer tant bien que mal de mener sa vie, se réfugie dans son réfrigérateur ou dans ses compensations qui consistent à avaler de l'alimentation, qui est vraiment une forme régressive, n'est-ce pas, de comportement d'un enfant gâté vis-à-vis d'un monde hostile. Et je pense que c'est là la définition profonde et importante, si vous voulez, la signification de l'obésité en notre temps. Donc chez le professeur Trémolière, deux interprétations, Georges Vigarello, deux interprétations de l'obésité qui peuvent s'opposer. C'est une définition qui remonte à près de 40 ans. Est-ce que vous pensez qu'on la trouverait toujours telle chez nos spécialistes? Écoutez, tout d'abord, je les trouve passionnantes, ces distinctions, parce que, à mon sens, elles renvoient à une époque. Elles renvoient à une époque qui commence à être sensible au processus de psychologisation. Les années 60. Les années 60. Et qui commence à se questionner sur la conséquence que peuvent avoir des comportements psychologiques. La deuxième chose, qui me paraît également passionnante, elle est plutôt négative. C'est que le professeur Trémolière reste en fait dans une vision qui est extrêmement misogyne. Autrement dit, d'un côté, si je schématise bien entendu, vous avez l'homme bon vivant et sociable, et d'un autre côté, vous avez la femme plutôt tendue, qui se retrouve retirée au cœur de la maison, dans un espace domestique et intime. Femme au foyer implicitement. Femme au foyer implicitement, et qui se trouve dans une position de passivité totale. Alors bien entendu, je n'insisterai pas sur le fait qu'à mon sens, cette vision est totalement datée et misogyne. Et la troisième chose que je voudrais dire, c'est que on voit bien dans son propos la difficulté qu'il a, même s'il est physiologiste, même s'il pourrait faire référence à ces données de la physiologie, on voit bien la difficulté qu'il a de définir de façon objective quelque chose qui est dans l'ordre de l'obésité. Or, c'est vrai que dans ces dernières décennies, l'objectivité l'a quand même emporté. C'est-à-dire ? C'est-à-dire qu'on a quand même des chiffres pour dire, il y a un indice de masse corporelle. Je crois qu'il faut, parler en termes d'objectivité. Il y a un indice de masse corporelle, c'est-à-dire une possibilité, par exemple, de diviser le poids d'une personne par le carré de sa taille. Cela donne un indice X, Y. Cet indice, lorsqu'on le soumet à une donnée statistique, a de la variabilité. Et à partir d'un certain seuil, on peut dire effectivement qu'il y a un rapport entre le poids et la taille qui n'est plus tout à fait normal, qui présente un certain risque. En termes objectifs, si vous voulez, qu'il y a un pourcentage de risque sur telle ou telle maladie, et je crois que là, on est dans un autre secteur, on est dans un autre domaine. À partir du moment où on raisonne comme ça. Est-ce que l'historien peut appliquer rétrospectivement cet indice aux périodes anciennes, pour reprendre un peu notre survol, en remontant au Moyen-Âge, par exemple, ou à l'époque de classique, à l'époque de Louis XIV? D'un côté, nous disposons aujourd'hui d'outils que l'on peut discuter, mais qui existent. Nous disposons d'outils pour définir une situation physiologique. Et d'un autre côté, les périodes qui nous ont précédées disposaient d'un regard, disposaient d'un certain nombre de repères, mais pas d'outils permettant de définir de façon chiffrée, objective, une situation. Je disais tout à l'heure que le mot d'embonpoint qui était utilisé jouait sur un certain nombre de variations, mais des variations qui restaient très intuitives, en très bon point, en mauvais point, etc. Je pense à un effort, entre autres, qui me paraît très intéressant. C'est le premier, à mon avis, du genre. C'est un effort de la deuxième moitié du 18e tenté par Buffon. Vous savez que Buffon s'est beaucoup intéressé à la croissance, il s'est beaucoup posé de questions sur la comparaison entre l'évolution de l'animal, l'évolution de l'homme, etc. De l'âme, oui. Et Buffon s'est posé d'une manière que je trouve extrêmement intéressante, la question du seuil à partir duquel où on pourrait définir quelqu'un comme étant gros. Alors il a tenté de manière qui reste encore très balbutiante une amorce statistique dont il ne donne pas exactement les chiffres. Mais il donne des résultats. On n'avait pas encore vraiment d'instruments, c'est-à-dire qu'on n'avait pas vraiment même de mètres pour voir le tour de taille. 1760, vous voyez, dit ça. Mais il donne des résultats. Et il compare la situation entre rapport entre taille et poids. Et il dit, et vous allez voir les mots qu'il utilise, on voit très bien qu'il n'a pas les outils, il dit le poids normal pour un homme, je ne parle pas en pieds et en pouces, je parle en mètres, pour un homme qui mesure 1m80. Le poids normal est de 80 à 90 kilos. Je pense qu'aujourd'hui, déjà, on n'en dirait pas la même chose. Ensuite, étape suivante, déjà gros. Que veut dire déjà gros? Le poids, 100 kilos. Ensuite, trop gros. Que veut dire trop gros? 115 kilos. Et puis, beaucoup trop épais. Alors, on n'a plus le mot de gros, on passe au mot épais. Donc, il traduit à la fois un premier effort chiffré, que je trouve personnellement tout à fait important. Tout mêlé de normativité. Et en même temps, une sorte d'impuissance à utiliser des mots qui renvoient à des repères objectifs. On est là au XVIIIe siècle. Tout à fait. Il faut tout de même rappeler les changements dès auparavant de cette norme implicite qui n'est pas appuyée scientifiquement, mais qui est là. Bien sûr. La représentation artistique du Moyen-Âge, la femme idéale des castes supérieures devient menue, presque fluette. Et c'est à la Renaissance que la femme de la noblesse redevient peu à peu massive. Et c'est au XVIIe siècle que la mode dans les couches supérieures de la société semble imposer un corps charnu et gras, avec pour les femmes une forte poitrine. Oui, alors absolument, je crois qu'effectivement il y a une évolution dans la culture occidentale qui va dans le sens de ce que l'on pourrait appeler une sorte d'enrichissement, d'embellissement, de luminosité de la chair, de tendresse de la chair. Vous savez, c'est toutes les définitions qui portent sur le fait que la peau d'une femme belle doit être une peau grassette, etc. C'est absolument incontestable. Mais en même temps, moi ce qui me paraît très important, c'est que c'est un lieu de paradoxe, voire de contradiction. En même temps, c'est que le monde moderne est aussi un monde qui instaure d'une part une attention extrêmement forte à la ceinture du corps, autrement dit qui tente à restreindre la taille et à surveiller très fortement la taille, ce qui n'était pas le cas au Moyen-Âge, où les habits enveloppaient bien davantage le corps qu'ils ne l'ont enveloppé par la suite. Ça, c'est un premier point. Et il y a un deuxième point qui me paraît aussi très important, c'est celui de l'image restreinte, serrée, qu'a imposé le corset. et le corset apparaît dans la deuxième moitié du XVIe siècle. Il durera jusqu'avant la Première exactement, Guerre mondiale, quand exactement. Paul Poiret en débarrassera les femmes. Tout à fait. Et ce corset impose quelque chose qui est de l'ordre de la géométrisation du corps. Et je trouve, par exemple, que lorsqu'on regarde les images des peintres, ou celles des graveurs. Et les graveurs sont peut-être plus intéressants parce que ils font circuler des images qui renvoient davantage à une multiplicité de repères sociaux, vous voyez, alors que les peintres ont tendance plutôt à mettre en scène les classes fortunées. Eh bien, quand on suit ces deux catégories d'images, on voit que, d'un côté, les images populaires sont plutôt rondes, effectivement. Je pense, par exemple, à Bruegel. Et de notre côté, les images citadines sont au contraire des images beaucoup plus retenues. Abraham Bos, là. Abraham Bos, ou les gravures de Leclerc sont beaucoup plus retenues, ou même celles de Callot, et mettent en scène un tronc qui commence à être fuselé. Et quand on suit l'image des corsets, on voit effectivement que les corsets eux-mêmes deviennent beaucoup plus hauts, autrement dit, le tronc s'allonge, et beaucoup plus étroit. Donc on a bien ces deux images, mais d'un côté, l'attention à une chair pulpeuse, pour dire les choses vite, évidemment de façon un peu grossière, si vous voulez, et d'un autre côté, une chair surveillée. Dans Molière, on trouvera probablement cette opposition absolument. Entre les servantes et les maîtresses, ce qui introduit pour la première fois Georges Vigarello dans notre conversation, cette idée d'opposition non plus chronologique, mais sociologique. Ah oui, elle me paraît très importante. Elle me paraît très importante. Alors, par exemple, je prends un auteur que l'on lit peu alors qu'il est tout à fait passionnant, c'est Ambroise Paré. Ambroise Paré décrit, il est médecin, il a écrit un livre de médecine qui recouvre absolument la plupart des grands thèmes de son temps. Il écrit à la fin du XVIe siècle et il décrit des scènes parfois quotidiennes. Et là on voit que les femmes populaires sont présentées comme fessues, les grosses cagnardières, etc. Alors que les femmes de la bourgeoisie ou de la noblesse sont au contraire beaucoup plus, je dirais, sylphides. Mais sylphides avec le mot du temps qui n'est pas le mot d'aujourd'hui, bien entendu. C'est une opposition qui est encore extrêmement vivante aujourd'hui, puisqu'on note en particulier aux États-Unis, par exemple, mais probablement aussi en France, que ce sont les classes les plus populaires qui sont le plus frappées de l'obésité, est-ce que je me trompe ? Ben, vous savez, les chiffres existent. Oui, alors. Par exemple, en France, ceux qui gagnent moins de 1500 euros par mois sont, pour 11,7% d'entre eux, obèses. Si on fait la même opération pour les personnes qui gagnent plus de 1500 euros par mois, nous n'avons plus que, si je puis dire les choses ainsi, 4,6% d'obèses. Ça aurait peut-être été vrai aussi sous Louis XIV. Absolument. Sans aucun doute. Cela dit, Louis XIV lui-même était gros, mais il n'aimait pas qu'on le dise. Oui, absolument. Mais en revanche, vous voyez, je pense au duc de Vendôme, qui est longuement décrit par Saint-Simon. Oui. Le duc de Vendôme est présenté de façon totalement méprisante par Saint-Simon. Parce que c'est une personne opulente, qui mange de manière constante, qui mange dans son lit, etc. Donc on voit là aussi cette présence très forte d'un mépris à l'égard de ce qu'aujourd'hui nous appellerions obésité, et qui à cette époque-là ne portait pas encore vraiment de nom. On nous dit que Louis XIV interdisait même qu'on évoque la notion de grosseur à sa cour, et que Boileau, qui était une fine mouche et un courtisan éprouvé, avait approuvé le roi quand il avait interdit que la manie consistait à dire grosse maison, grosse réputation, grosse fortune au lieu de grande. Oui, absolument. Que Boileau s'était hâté de dire, il est en effet surprenant qu'on veuille partout mettre gros pour grand. Et il ajoutait, il y a tellement de différences, sire, entre Louis le Grand et Louis le Gros. Oui, absolument. Et puis il y a cet effort aussi que je trouve très intéressant des cuisiniers qui sont interpellés, les cuisiniers de Louis XIV, qui sont interpellés par les médecins en disant, mais écoutez, ne lui donnez quand même pas autant de viande, de potage, retenez. Les cuisiniers qui disent, nous n'avons pas écouté les médecins, nous sommes les cuisiniers du roi, point. On trouve dès ce moment-là l'opposition entre ceux qui tirent l'obésité vers la joie de vivre, vers la gaieté, vers un certain bonheur collectif, et ceux qui, au contraire, éprouvent que c'est une sorte de damnation. Exactement. Ça parcourt les siècles. Et je voudrais vous faire entendre que cette archive que je trouve assez représentative sur le ton des chansonniers, mais des chansonniers que vous allez voir honorables. C'est une émission de novembre 1957 sur le thème de l'obésité avec Anne-Marie Carrière, qui était une chansonnière célèbre à l'époque, mais aussi avec Paul Guth. Paul Gut, le naïf aux 40 enfants, et Max Paul Fouchet, le prestigieux Max Paul Fouchet, il s'amuse à parler de l'obésité. Écoutez les dons. Et voici Anne-Marie Carrière, Max Paul Fouchet et Paul Gut dans leurs propos en l'air. Monologue à trois. Écoutez, Paul et Max Paul, il faut que vous m'excusiez un peu ce soir. Je suis dans le vague. Je vais vous avouer une chose, j'ai mangé et un peu trop mangé. Eh bien, voilà un aveu. Mais alors, non seulement j'ai sommeil, mais par-dessus le marché, je suis bourrelé de remords à l'idée que je vais prendre 300 grammes demain matin. Puis je crois qu'il faut faire une différence aussi entre l'obésité pesante, mastodontale, voilà, et l'obésité rapide. Moi, j'adore l'obésité de Rubens parce que c'est une obésité violente et tumultueuse. Par exemple, cet admirable tableau de l'enlèvement des filles de Lecipe. N'est-ce pas? Eh bien, elles sont toutes extrêmement dodues et charnues, évidemment, ces filles de Lecipe. Mais elles sont entraînées dans un tourbillon de chair presque panique, et qui est merveilleux, qui est presque de la légèreté. Oui. Et d'ailleurs, on parle souvent de la légèreté des gros. Vous savez que les gros surnagent sur l'eau. Les gros nagent plus facilement que les maigres. Est-ce que vous connaissez de nos jours un gros, Paul? Ou vous, Max? Des gros, non, moi, j'en vois pas tout de suite. Moi, je pense à Dario Moreno. Oh, il y a plein de gros. Moi, je pense à Gabriello. À Gabriello, oui, c'est ça. Mais savez-vous que les gros ne sont pas comme on dit généralement un bon gros, c'est vrai. Ah, non, mais en général, les gros sont des inquiets. Oui. Vous savez la fameuse, je suis sûr que Max Paul va me l'ôter de la bouche, la fameuse citation shakespearienne dans Jules César. Jules César se méfie des maigres. Il dit parce que le maigre complote. Parce qu'il était maigre lui-même. Il savait de quoi il parlait. Moi, je sais que j'ai été passionnément amoureux autrefois d'une actrice de cinéma qui s'appelait Mae West. C'était vraiment très bien. Et juste été perdu parmi elles. que les marins américains ont appelé par la suite Mae West ces ceintures de sauvetage que l'on met, qui sont grosses, qui permettent d'avoir la tête hors de l'eau, qui sont faites de boudins successifs. Ils appellent ça une Je crois qu'au fond, la grosseur ou même l'obésité, ça n'est pas grave si on sait la porter. Il y a des maigres qui sont absolument insupportables à voir. Il y a des gras qui sont insupportables aussi à regarder. Mais il y en a d'autres vraiment, non seulement ils sont plaisants, mais ils sont beaux. Il y a des hommes gras et beaux, de même qu'il y a des hommes maigres et laids. Johanna est aussi grosse qu'un éléphant. C'est la plus grosse de toute la Nouvelle-Orléans. Et pourtant... Johanna, mais c'est danser léger. Johanna, mais c'est danser léger. Johanna est bien de la Louisiane. Quand elle suit un régime, c'est un régime de bananes. Et pourtant, Johanna, Johanna, Johanna, tu sais danser léger. Johanna, Johanna, Johanna, tu sais danser léger. Elle danse, elle saute, elle tourne et s'envole. J'ai pris plaisir à faire jouxter cette archive de chansonnier de 1957 par la célèbre chanson de Gainsbourg qui s'appelle Johanna et qui date de 1964 parce que l'un et l'autre éclairage sont finalement positifs sur l'obésité, Georges Vigarello. Oui, c'est ça. Nous sommes dans une période où la stigmatisation extrême que nous connaissons aujourd'hui n'existe pas encore. À la fois, il y a une stigmatisation, évidemment, mais elle n'existe pas encore. Et en même temps, moi, ce qui me frappe, c'est ce que nous disions tout à l'heure, à savoir que la préoccupation psychologique commence à apparaître. Anne Carrière dit « les gros sont des gens inquiets ». C'était pas comme ça qu'on posait la question auparavant. Et en même temps, on s'interroge sur « mais oui, mais il y a des grosseurs qui sont assez vivables, qui peuvent être sveltes ». Et donc, je trouve... Grosseur svelte, ça, c'est un oxymore. Absolument. C'est le moins que l'on puisse dire. Mais je trouve qu'en définitive, ça signe très bien ces années 60-70 où il y a une inquiétude naissante, mais qui est loin d'avoir atteint le degré qu'elle a aujourd'hui. Et en même temps, cette inquiétude, si on fait l'histoire, comme c'est notre souci dans cette émission, l'histoire de l'obésité à travers les âges, elle ne remonte pas seulement aux années 60. Je voudrais qu'on nous attardions un instant sur un personnage à qui vous faites un sort dans votre livre, qui est Brillat Savarin, parce qu'on peut le poser comme un précurseur de la diététique moderne. Est-ce que je me trompe ? Ah oui, je pense, oui, absolument. Parce que c'est quelqu'un, c'est un de ceux qui insiste d'une façon évidemment remarquable sur le problème du goût. C'est quelqu'un qui vraiment essaie de développer la question de la gastronomie. Physiologie du goût, c'est son plus célèbre livre. Je rappelle qu'il a vécu de 1755 à 1826, donc à cheval sur la Révolution. Voilà, et il écrit surtout au début du 19e. Et c'est quelqu'un qui se considère comme obligé, en définitive, dans un texte comme celui-ci, de parler de l'obésité. Donc il a un long chapitre sur l'obésité. Il écrit « J'entends par obésité cet état de congestion graisseuse où, sans que l'individu soit malade, les membres augmentent peu à peu en volume et perdent leur forme et leur harmonie primitive. Regard esthétique, regard voilà, sanitaire. » Voilà, il y a une atteinte de la beauté, oui c'est ça. Il y a une atteinte de la beauté et en même temps, il y a un problème posé au niveau du fonctionnement même du corps. Et puis, il s'interroge sur les causes. Ah oui, vous voyez, il se contente pas seulement de la décrire, d'essayer d'en montrer les dangers. Il insiste sur quelque chose qui aurait peut-être moins de place aujourd'hui, je trouve, dans les analyses du jour, qui porte sur la disposition naturelle. À l'héritage. C'est un peu ce que disait Henri Béraud dans Le martyr de l'obèse. Je suis né comme ça. Oui, je pense qu'on se poserait la question un peu autrement aujourd'hui. Alors lui, il qualifie avec les visages courts, les yeux ronds, le nez obtus. Quand on raconte, dit-il dans la société, une petite demoiselle bien vive, bien rosée, au nez fripon, aux formes arrondies, aux mains rondelettes, aux pieds courts et grassouillets, tout le monde est ravi et la trouve charmante. Tandis qu'instruit par l'expérience, je jette sur elle des regards postérieurs de 10 ans, je vois les ravages que l'obésité aura fait sur ses charmes si frais, et je gémis sur des mots qui n'existent pas encore. Oui, absolument. Donc la disposition qu'un œil exercé peut apercevoir. Oui. Il y a aussi d'autres causes. Mais c'est ça, il y a d'autres causes. Entre autres, c'est quelqu'un qui insiste beaucoup sur le problème que pose ce qu'il appelle la fécule, c'est-à-dire pommes de terre, farine, etc. La bière. Il s'interroge, je trouve, d'une manière assez classique, au fond, sur le problème du défaut d'exercice, ça s'est dit depuis très longtemps, sur la prolongation du sommeil, mais il s'interroge aussi de façon finalement assez classique, simplement c'est longuement développé dans son texte, ça comporte un véritable chapitre. Il s'interroge donc sur l'excès, boire, manger, et en même temps, et je trouve que c'est là qu'il est particulièrement intéressant, il se pose le problème de la mesure, c'est-à-dire, c'est un des premiers. Buffon, comme nous l'évoquions tout à l'heure, qui est un peu antérieur, essayait de comparer la taille et le poids. Ici, Brillat-Savarin est un des premiers à se poser la question de la circonférence. Et il tend une cordelette, dit-il, autour du nombril. Pour mesurer. Pour mesurer. Et il montre des cas, évidemment, qui sont extrêmes. Je pense à son Édouard, qui a 1,90 m de taille et qui a 8 pieds de circonférence. C'est-à-dire qu'il y a près de 2 mètres de circonférence. C'est beaucoup. Enfin, évidemment. C'est beaucoup. Donc, ce qui est important aussi, c'est de montrer que ce sont des cas extrêmes, évidemment, qu'il présente, voyez-vous. Mais on peut agir. La volonté peut agir. C'est ça qui est très présent chez Brillat-Savarin. Il écrit quelque part, « J'ai toujours regardé mon ventre comme un ennemi redoutable. Je l'ai vaincu. » Et fixé au majestueux. C'est cela. Mais pour le vaincre, il fallait le combattre. C'est à une lutte de 30 ans que je dois ce qu'il y a de bon dans cet essai. Oui, parce que je pense que dans ce fameux chapitre sur l'obésité, il y a évidemment un long développement sur ce qu'il appelle le traitement ou la prévention. Alors le régime, il utilise beaucoup de toniques aussi. Ça, c'est très intuitif. On a le sentiment que le tonique, entre autres le quinquina ici, va raffermir les chairs, ce qui est une vision purement intuitive, évidemment. Mais l'important... Mais c'est vrai que le quinquina, on peut recommander ça à nos auditeurs et auditrices ? Moi, je ne suis pas suffisamment spécialisé sur les problèmes de la biochimie pour me lancer dans une quelconque... Dans l'ordre des représentations, c'est l'idée que ça fait Brillat-Savarin. Ce qui m'intéresse, c'est le côté intuitif, voyez-vous. Et alors, il porte également, ce que je trouve tout à fait marquant, un instrument, qui est une ceinture, dit-il, anti-obésique. Donc, il a bien une vision... du cas, c'est-à-dire de la gravité, il a une vision de la mesure et il a une vision de la prévention. J'ajouterais, pour reprendre l'exemple que vous citiez tout à l'heure, qu'il ne faut quand même pas oublier qu'il insiste sur son ventre limité au majestueux. Ce qui veut bien dire que ce n'est pas quelqu'un qui se considère comme maigre, c'est quelqu'un qui considère que porter le ventre avec une certaine opulence peut avoir un aspect positif, ne l'oublions pas. Mais ça nous conduit évidemment à la période du 19e, puis du 20e siècle, c'est-à-dire le moment où apparaissent, à proprement parler, les régimes plus savants que ceux que peut définir Brillat-Savarin. Absolument. Par exemple, Byron. Oui, c'est ça. Alors, moi, je trouve que Brillat-Savarin constitue une sorte de rupture dans la manière dont on perçoit l'obésité, mais Byron constitue également une rupture. Le romantisme. Le romantisme. Dans la mesure où Byron est, à ma connaissance, le premier qui suit un régime en surveillant son propre poids et en insistant sur la nécessité absolue de la maigreur. Et en se questionnant en permanence, il se fait même suivre par un médecin, quand il voyage, il a un médecin avec lui, en surveillant en permanence, voyez-vous, à la fois ce qu'il consomme et en même temps son poids. Et je trouve que, de ce point de vue, Byron est une sorte de première grande image du régime quotidien avec ses effets sur la silhouette. La boxe, la nage. Exactement. Il écrit l'exercice, je suis d'une maigreur tolérable que j'obtiens par l'exercice et l'abstinence. Absolument. Donc là, les biscuits aussi, des biscuits légers, il y a tout un travail considérable sur la nourriture et l'entretien. C'est le thème du dandy qui apparaît à ce moment-là. Alors, bien sûr, je pense que une nouvelle image du masculin émerge, qui est une image qui se sent peut-être en compétition avec le féminin, voyez-vous. La démocratie fait que la femme prend une nouvelle place. Et je crois que là, il y a quelque chose qui est de l'ordre de la compétition et de l'affrontement. Et dans la réaction de Byron et de quelques autres, c'est pas le seul. Il y a même un auteur comme Eugène Sue est sensible à son régime. Eh bien, je crois que dans leur réaction, il y a, au fond, la prise en charge de soi-même dans une vision qui, traditionnellement, était celle du féminin. On trouve d'ailleurs ça reflété dans l'article que Pierre Larousse, dans son grand dictionnaire, consacre à l'obésité en 1870, où se mêlent observations scientifiques et normes morales et esthétiques. Oui, absolument. Mais alors, je crois que le 19e siècle est important parce que c'est une période où la mesure s'instaure. Elle s'instaurera relativement tard, d'une façon assez large, mais elle s'instaure. Et elle s'instaure en deux temps. Premier temps, la circonférence. C'est dans la deuxième moitié du 19e. On voit dans les livres de mode ou dans les magazines qui sont en, je dirais, balbutiant encore, mais qui émergent, on voit l'insistance sur « mesurez-vous ». Et aussi, chose qui me paraît très importante et qu'on ne cite pas suffisamment, « regardez-vous ». C'est-à-dire utiliser des miroirs. L'apparition de la glace en pied. Des miroirs en pied. Dans les chambres des femmes. C'est rendu davantage possible parce que le miroir est fabriqué d'une nouvelle manière, avec des procédures chimiques qui sont moins coûteuses que les procédures anciennes, bien sûr. Mais je crois que c'est en même temps la présence d'une exigence nouvelle à l'égard d'un regard entre soi et soi. Il y a une scène de la nana de Zola où on la voit longuement se regarder, effectivement, dans son armoire à glace. Et évaluer, c'est-à-dire, est-ce que mes hanches se sont épaissies ou pas? Vous voyez, je crois qu'il y a une nouvelle relation entre soi et soi où la nudité prend une nouvelle place. Il y a une nudité qui est perçue de façon plus naturelle. Et cette nudité, bien sûr, elle commence à être évaluée. Alors, comment est-elle évaluée? Je le disais à l'instant, à la fois par le regard porté au miroir et en même temps par le centimètre, la mesure. Donc, on commence à voir apparaître dans les magazines des insistances sur tour de hanche, tour de taille, tour de poitrine. Et le deuxième grand moment, si le premier est celui de la mesure en termes de centimètres, le deuxième grand moment commence à être celui de la mesure en termes de poids. Et ça, c'est vraiment très tard. C'est à l'extrême fin du 19e siècle. La balance arrive quand? Alors, la balance arrive dans un public relativement large, uniquement dans l'entre-deux-guerres. C'est très tard, en fait, vous voyez. Et il y a aussi la nécessité de fabriquer de nouveaux types de balances. Des balances qui ne sont pas de grands meubles pesant des poids qui empêchent toute mobilité de l'objet. Celles qu'on utilisait parfois dans les pharmacies en mettant une pièce. Exactement, exactement. Il faut passer de ces balances-là à des balances plus mobiles que l'on peut déplacer, que l'on peut mettre dans la salle de bain ou que l'on peut mettre dans la chambre. Et ces balances de deuxième génération, si je peux les appeler ainsi, n'apparaissent qu'à la fin des années 30. C'est aussi le début des traitements plus directement consacré à la lutte contre les rondeurs. Écoutez cette archive du 12 juillet 1963, apparition de la thalassothérapie. C'est un peu avant que Louison Bobel, vainqueur du Tour de France, a installé à Quiberon son fameux établissement. Nous sommes pour l'instant à Paris et c'est un reportage de Marie-Thérèse Guinchard. Vous ne savez peut-être pas que depuis quelque temps, vous avez la mer à Paris. Je ne vous en dis pas davantage pour la découvrir. Je vous propose simplement d'accompagner Marie-Thérèse Guinchard sous la douche, mais oui, sous la douche, une douche amaigrissante au jet à pression calibrée. Madame, vous venez ici pour maigrir, je présume. Oui, en effet, je fais pas mal de cellulite. Bien que je sois jeune, j'ai pas mal de cellulite, comme beaucoup de femmes. Et je trouve vraiment cette douche au jet extraordinaire. J'ai déjà perdu pas mal de centimètres de tour de hanche grâce à cette douche au jet. Et qui la est pression en plus... est très forte C'est très fort, oui, mais c'est quand même très agréable. Je vous assure que c'est vraiment très bien. Bon, résultat c'est... pratique, vous avez perdu combien de kilos eh bien, en combien de j'ai temps j'ai déjà perdu les kilos encore cette dernière, mais c'est surtout que je viens de perdre déjà 4 centimètres de tour de hanche en 5 séances, qui est fort appréciable. C'est merveilleux, vous pouvez affronter la plage ça, maintenant. Vraiment, comme toutes mes amies du reste, nous venons ici pour pouvoir être en forme pour aller sur la plage. Comme toutes mes amies, pour être en forme sur la plage. Georges Vigarello, je vous ai vu sourire pendant que nous écoutions cette archive. Bah, écoutez, parce qu'à la fois on retrouve la plage, bien sûr. Mais en même temps, parce qu'il y a un mot qui devient central et qui est le mot de cellulite. Incontestablement, la cellulite n'est pas inventée, elle n'existe pas pour la première fois dans les années 30, en 1924, quand elle est découverte par le docteur Alquier. Elle existe bien auparavant. Mais ce qui est intéressant, c'est de demander pourquoi, finalement, on la découvre en 1924. Et pourquoi elle entre dans la sensibilité collective ? Pourquoi ça devient un mot, un terme, une réalité ? Pourquoi ça devient un problème de sensibilité obsédante, collective ? Obsédante. Absolument. Je pense, pour plusieurs raisons, bien sûr, on l'a vu dans ce que nous avons dit, à la fois parce que la nudité... Le regard sur la nudité est beaucoup plus présent, d'une part, et d'autre part parce que l'exigence à l'égard des formes et à l'égard du poids est beaucoup plus forte. Donc, il faut bien trouver à ce moment-là de nouveaux repères, et à la limite, il faut aussi recourir à de nouveaux instruments. Alors, on voit dans cet exemple, remarquablement, à la fois les nouveaux repères de déformation dont la cellulite serait précisément l'exemple, et on voit de nouveaux outils. C'est-à-dire la douche à jet, etc. Et on voit, en l'occurrence ici, que cette personne parle à la fois de son poids et en même temps de sa périphérie, de son centimètre, de tour de hanche, vous voyez. Donc, je trouve que là, nous sommes vraiment face à la fois un langage qui s'est enrichi et des repères qui eux-mêmes aussi se sont creusés. Les repères, ce sont, bien sûr, à cette époque... les modèles féminins, en tout cas, du point de vue des femmes, les modèles féminins des stars stars de cinéma. On propose, qui n'était pas toujours le cas auparavant, bien sûr, une sorte d'image idéale qui sert de référence constante. Incontestablement. Moi, je pense que c'est vraiment dans les années 30 que des changements très forts se sont produits concernant, comme on le disait à l'instant, les outils, les repères. Et parmi ces changements très forts, il y a évidemment le cinéma. Le cinéma diffuse d'une manière considérable des modèles. Et ces modèles vont ensuite être pris, empruntés, choisis par les gens qui les regardent. Et ces modèles, ils sont incontestablement fabriqués. Alors, je trouve que ces modèles, d'un côté, ils répondent bien entendu aux critères du temps, et d'un autre côté, ils apparaissent comme pouvant être adoptés assez facilement par les personnes. Autrement dit, la beauté tend à se démocratiser. Je peux devenir celle ou celui que je vois. Mais on insiste beaucoup sur l'origine de John Crawford et Servus de café à l'origine. Voilà. Jane Russell, secrétaire de dentiste. Marlène Dietrich, petite midinette de théâtre. Suzy Vernon. Vous voyez, le modèle se démocratise. Alors, il faut la distance et la démocratisation. Bien sûr. Pour qu'on puisse s'identifier. Tout à fait. Je ne peux le devenir que si je travaille, bien sûr. Vous voyez, c'est ça l'autre idée. Je ne peux pas le devenir comme ça. Donc, il faut que je m'impose un certain nombre d'artifices. Et à ce moment-là, j'apparaîtrai comme ces images absolument lumineuses, féeriques, qui existent sur l'écran. Votre beauté, c'est une citation que Georges Vigarello, vous reprenez dans votre livre, exprime bien ça en décembre 35, en disant « Il n'y a plus de femmes laides, il n'y a que des femmes qui se négligent ». Oui, je crois que ça, c'est un grand, grand virage, dans la mesure où, justement, pour la première fois, la beauté apparaît comme accessible et diffusable. Et donc, se mêlent, du coup, à nouveau, des préoccupations esthétiques et une vision morale sur le corps des femmes. Et oui, parce que ça renvoie à un problème de travail, vous voyez. Il faut que je travaille sur moi. Il faut que je travaille sur moi pour pouvoir me transformer et pour pouvoir être l'égal de celle que je vois sur l'écran, et donc pour pouvoir être acceptée. Et du coup, il y a toujours à l'arrière-plan quelque chose qui est de l'ordre, finalement, de l'imposition, de la tentative d'atteindre la norme et d'être jugé. Au bout du compte, être un objet de jugement. Avec un développement, du coup, de tout un matériel amaigrissant. On voit apparaître la définition d'exercice nouveau, de massage, de rouleaux divers, en particulier le point roller avec ses 60 ventouses à succion, des applications électriques, des sanglages automasseurs, paraffinothérapie, etc., etc. Bah c'est bien évident qu'à partir du moment où l'exigence devient plus grande quant à l'acquisition de la forme, l'exigence devient plus grande aussi quant à la diversification des outils, et ces outils qui sont le lieu d'une possibilité d'industrialisation, de gains, etc., de marché, sont de plus en plus nombreux et ils sont absolument effervescents. Avec l'apparition de la chirurgie réparatrice, esthétique, qui est un peu la fille d'ailleurs, la chirurgie née après la Première Guerre mondiale. Oui, alors je crois que la question de la chirurgie est effectivement à la fois importante et caractéristique. Parce que il y a une préoccupation chirurgicale qui apparaît au tout début du XXe siècle, avant même la Première Guerre mondiale. Avant les gueules cassées qui ont été... Oui, avant les gueules cassées. Il y a un travail, et c'est les chirurgiens qui sont les acteurs de cette première chirurgie esthétique, vont être aussi les acteurs de la chirurgie réparatrice durant la guerre de 14. Mais quelque chose apparaît dans les années 5-10, qui consiste déjà à essayer de rectifier les nez, par exemple, qui consiste à toucher un petit peu sur les rides. Et cette chirurgie est présentée comme ayant un destin social. Les premiers nez rectifiés, ça remonte donc, oui. Ça remonte il y a donc des photos, au début du XXe siècle. Tout à fait. Il y a des photos alors qui sont curieusement présentées dans des congrès d'éducation physique. Comme si l'éducation physique pouvant jouer à la fois, pouvant jouer sur le corps, pouvait être associée à des interventions chirurgicales qui auraient aussi des conséquences sur le corps. La gymnastique ne change guère les nez. Exactement. Mais on voit bien d'ailleurs qu'on a toujours du mal, vous voyez, à catégoriser. Là, il y a une difficulté à rentrer dans de la catégorie et dans de la spécialisation. Toujours est-il que cette chirurgie apparaît dans les années 5-10, et bien sûr, à partir du moment où les blessures de guerre, qui sont des blessures nouvelles, ne l'oublions pas, avec des possibilités chirurgicales nouvelles, ne l'oublions pas. Des possibilités de greffe, par exemple. On le voit très bien dans le film La Chambre des Officiers. La Chambre des Officiers. On voit bien quel est le travail d'invention auquel le chirurgien est confronté, mais on voit aussi comment ce travail est lié à de nouveaux types de blessures, les éclats. C'est plus du tout la guerre avec des boulets lancés de manière quasi compacte. Vous voyez, ce sont des boulets qui explosent et qui donc font des blessures absolument atroces. Et les chercheurs sur la guerre de 14 aujourd'hui le montrent très bien, je trouve. Donc nous sommes face effectivement à une nouvelle chirurgie. Mais cette chirurgie, ne l'oublions jamais, est une chirurgie réparatrice. Or, que va-t-il se passer dans les années 30 ? Il va se passer l'invention d'une chirurgie qui n'est pas seulement réparatrice, mais qui est une chirurgie proposant aux individus d'être mieux qu'ils ne sont. Ils ne réparent pas, autrement dit, les barbaries des hommes, mais ce que la nature ils épanouissent, vous voyez, c'est différent. Et du coup, il y a l'invention d'un nouveau mot, qui est celui de chirurgie esthétique, alors qu'auparavant, c'était une chirurgie réparatrice. Qui remonte aux années 30 ? Oui, la chirurgie esthétique remonte à la fin des années 30. Mais en fait, elle ne s'impose vraiment de façon relativement large qu'après la Deuxième Guerre mondiale, bien sûr. Et elle vient assez largement des États-Unis d'Amérique. Incontestablement. Parce que c'est un domaine où il faut évoquer l'influence de l'Amérique sur notre société. Je voudrais vous faire écouter. Vous allez voir que c'est un extrait qui est plein de bons sentiments, d'ironie et d'idées reçues sur les États-Unis. Une correspondance de Michel Enfrol, qui était à ce moment-là, nous sommes le 29 décembre 1967, qui est le correspondant de la radio à Washington. Le président Kennedy, il y a 6 ans de cela, s'était rendu compte de l'importance pour les Américains d'être minces, sveltes et agiles. Afin d'enrayer les progrès de l'obésité, John Kennedy avait lancé un programme sportif. Il demandait aux Américains de surveiller leur alimentation et de pratiquer la marche à pied, 80 km par semaine au moins en petite foulée. Cet appel fut diversement apprécié. Le porte-parole du président, Pierre Salinger, dont l'embonpoint faisait la joie des restaurateurs français de Washington, ne cacha pas son désaccord et parla même de saboter la politique de son patron. D'autres Américains, en revanche, n'hésitèrent pas à tomber qui le pantalon, qui la jupe, et en culotte courte et tricot de corps, se mirent à parcourir les rues de la capitale au lever du soleil. L'accession à la présidence d'un autre homme, qu'intéressaient davantage les performances bovines et les voitures rapides, changea quelque peu l'état d'esprit des Américains et le nombre des obèses se remit à croître. Il faut dire qu'aux États-Unis, tout vous prédispose à la rondeur. Dès la naissance, le bébé Yankee est gavé de lait vitaminé suractivé enrichi et par la suite, pendant la puberté et pendant l'âge adulte, il se nourrit de pain enrichi vitaminé suractivé et de viande vitaminée suractivée enrichie. Même les pizzas congelées prédigérées contiennent quelques vitamines dans les ingrédients qui les composent. Et il n'est pas jusqu'à la nourriture des restaurants chinois qui ne soit super enrichie d'une manière ou d'une autre. Par ailleurs, de 5 à 20 ans, le jeune Américain se nourrit surtout de glace vitaminée, renforcée par quelques extraits de glucopropionate de sodium parfumé à la fraise sauvage artificielle. Les performances des Américains dans la plupart des compétitions sportives, et notamment l'athlétisme, donnent l'impression au monde entier que les États-Unis ne sont habités que par des hommes et des femmes aux proportions harmonieuses, que les images de Hollywood viennent d'ailleurs renforcer de la façon la plus agréable qui soit. Détrompez-vous, ces personnes au visage et à la taille agréable ne sont qu'une petite minorité. Plusieurs compagnies d'assurance refusent désormais les obèses comme clients, aussi bien pour la conduite automobile que pour les assurances sur la vie. Cet extrait aurait pu figurer aussi dans une autre émission que nous avons consacrée à l'anti-américanisme au XXe siècle. Alors, Georges Bigarello, qu'est-ce que vous en pensez? Mais écoutez, d'abord, je ne suivrai pas les termes qui sont utilisés, qui me paraissent... Je n'arriverai pas à les suivre, pour tout vous dire. Mais sur la composition des nourritures, vous voulez dire? Voilà, oui, absolument. Sur la composition chimique, biochimique. Bref, je laisse la responsabilité... au journaliste, je lui laisse la responsabilité de son propos. Toutes les vitamines qui font grossir, ça me paraît un peu incertain. Oui. Bref. En revanche, ce qui me paraît vraiment, vraiment intéressant dans cette présentation des choses, c'est que il souligne en définitive le fait que nous entrons dans ce que j'appellerais un paradoxe, sinon une contradiction culturelle. D'un côté, notre culture nous sollicite de plus en plus à la consommation, avec toutes les conséquences que ce type de consommation peut avoir. Consommation qui ne passe pas toujours par une surveillance de l'état diététique des produits. Et d'un autre côté, notre culture nous met face à une exigence de minceur qui passe par beaucoup de canaux, à la fois les images, en même temps les attentes au niveau du travail, en même temps les attentes au niveau de la façon dont les individus doivent s'affirmer les uns par rapport aux autres. Il faut qu'ils soient mobiles, il faut qu'ils soient relativement souples, autant de qualités qui ne peuvent pas s'allier avec l'obésité. Donc vous voyez, nous sommes bien face à une contradiction, je trouve personnellement, et je crois que ce que nous avons entendu à l'instant le montre de façon assez claire. Il est arrivé également en France, cette sorte de contradiction entre une sorte de entraînement mimétique à consommer, de l'autre un jugement moral, très clairement moral cette fois-ci, le gros étant celui qui transgresse à la fois les lois de la physiologie et celles de la culture. Oui, et celle de l'activité donc, que l'on attend de lui, puisqu'il n'est plus en mesure d'être adaptable, d'être mobile, d'être souple, de rentrer dans une compréhension rapide, vous voyez, il n'est plus dans le monde de la rapidité. Et je pense que c'est ça qui est l'objet de l'accusation. Cela dit, les statistiques, je ne sais pas si elles sont exactes, nous montrent effectivement qu'il y aurait beaucoup plus d'obèses aux États-Unis qu'en Europe. Est-ce que c'est vrai? Ah oui, c'est incontestable. Alors, même de façon intuitive, quand vous parlez avec des Américains qui viennent à Paris, les Américains vous disent « mais il y a beaucoup moins de personnes qui sont obèses ici que là-bas ». Mais les chiffres le montrent très bien, c'est pas 10%, c'est beaucoup plus, bien sûr. Il y a les voyages plus en plus nombreux qui permettent de comparer. Il y a aussi ce que la télévision peut porter de normes implicites, en particulier quand on montre ce que sont les États-Unis d'Amérique pour porter une certaine image de la star. Au-delà du cinéma, nous sommes la génération, nous sommes les générations où le petit écran joue un rôle décisif dans cette histoire de l'obésité à la fois tentatrice et réprouvée. Voilà, c'est incontestable. Et c'est vrai que le milieu américain, de ce point de vue-là, représente le paradoxe de façon beaucoup plus forte. Je pense que les sportifs en sont l'exemple, n'insistons pas, ça a été dit, mais même les présentateurs de télévision, les silhouettes dans les affiches, les publicités, etc., c'est tout à fait évident que les exigences sont extrêmement marquantes. Alors, en plus, ce que je trouve très fort, très marquant aux États-Unis, c'est l'exigence diététique qui est présente de manière systématique et qui commence à être présente de façon systématique aussi en France d'ailleurs. Avec néanmoins la continuité de ces sortes de pulsation entre les moments où l'extrême maigreur est à la mode, oui. comme disait quelqu'un, où les gens n'ont qu'une rayure à leur pyjama. Mmh. Et au contraire, les moments où on restitue quelques attentions, où les formes plus enveloppées retrouvent de la faveur. C'est à peu près aussi mystérieux que les passages des époques où les hommes étaient barbus et ceux où ils étaient glabres. Est-ce qu'on peut expliquer ça en relation avec des évolutions économiques ou politiques ? Non, à l'évidence, il y a un problème de mode sur lequel je n'insisterai pas, mais je pense qu'il y a aussi un problème de contexte de la rupture. Alors, je m'explique. Le cas de la garçonne en France est particulièrement marquant. Et la garçonne est en opposition par rapport à la tradition. Et cette opposition, pour la marquer, elle va l'accentuer, la garçonne. Donc, elle va se présenter comme étant une silhouette totalement longiligne, sans rondeur. Là, on est dans les années 20 avec Victor Marguerite. Oui, avec l'accentuation qui représente aussi un visage beaucoup plus long parce que les cheveux se sont raccourcis. Donc là, il y a un travail sur l'extrémité du longiligne. Et puis, c'est vrai que dans les années 30, des rondeurs à nouveau vont s'installer. Marlène Dietrich, malgré sa minceur, en est un exemple. Mais Mae West, dont on parlait tout à l'heure, Mae West n'est absolument pas obèse. Vous trouvez que Marlène Dietrich était ronde? Je trouve qu'effectivement... L'ange bleu de la trouver assez mince. Marlène Dietrich a des formes. Elle a des formes. Alors, c'est vrai qu'elle a moins de formes lorsque elle passe de Berlin à Hollywood. Bien, on va être obligé de terminer sur ce rappel esthétique et... sur le regard spécifique, Georges Vigarello, que vous jetez rétrospectivement sur Marlène Dietrich. On va terminer en parlant, en évoquant de cette sorte de dictature que l'image de la femme idéale transmise par la télévision peut impliquer pour les autres. Je vais donner l'occasion d'une revanche à Anne Sylvestre. Seigneur, délivrez-nous de ces filles sans fesses qui regardent les nôtres avec réprobation. Seigneur, délivrez-nous de ces tristes drôlesses, ou donnez-nous au moins quelques compensations. Faites qu'autour de la table on leur réserve le banc, c'est assez inconfortable sans un certain répondant. Et faites que la salade, la tomate et le citron rendent beaucoup plus malade qu'un modeste mironton. Et dans votre bonté, faites aussi que le thé donne plein de calories, Vierge Marie. Faites que dans les boutiques on regarde de travers leurs silhouettes éthiques nager dans les pull-overs, qu'essayant la plus banale des robes on leur dise un peu, on fait les tailles normales sur un ton très dédaigneux. Faites que les magazines payent le papier moins cher, c'est pour cela j'imagine qu'on voit été comme hiver. Rangez à 12 par page des sardines très mini, des haricots sur la plage ou d'élégants spaghettis. C'était une élégante réplique d'Anne Sylvestre en 1969, Georges Vigarello, contre la dictature imposée des formes. Oui, je pense que c'était une ironie salubre, bien sûr. Et le fait qu'elle soit présentée avec des accents religieux me paraît également très intéressant, dans la mesure où, sans doute, le culte du corps de ces années jusqu'à aujourd'hui a quand même quelques accents religieux. Le sacré implique souvent la tolérance, c'est bien confirmé ici. Merci beaucoup. Je rappelle le titre du livre que vous venez de publier, un livre passionnant. J'engage tous nos auditeurs à s'y reporter. L'histoire de la beauté, le sous-titre étant « Le corps et l'art d'embellir de la Renaissance à nos jours » aux éditions du Seuil. C'était Concordance des temps, une émission de Jean-Noël Jeannet, avec la collaboration d'Agnès Chauveau et avec Patrick Molinier, Georges Sautour, Meryl Moneghetti, Virginie Lebrun et aussi Florence D'Artois pour les Archivinas. La semaine prochaine, nous nous retrouverons autour de l'émission pour laquelle j'avais invité Manon Pignot le 26 octobre 2019 et qui s'intitule « Le destin des enfants soldats ».